J'en ai marre de croire qu'il n'y a plus d'espoir. J'en ai marre de voir tous mes rêves plongés dans le noir. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de croire qu'il n'y a plus d'espoir. J'en ai marre de voir tous mes rêves plongés dans le noir. J'en ai marre. Chanson triste car je sais pas t'émouvoir. If you say what's my name, tu peux ranger tes mouchoirs. Et si tard le soir je me retrouve dans le brouillard, c'est sûrement à cause de mon aquarium. Faut pas se fier aux apparences, le regard des gens est très parlant. Devenir parent c'est pas méchant, l'éducation pas hilarant. J'serais pas un papa cool ni comme mon géniteur. Je ferais sûrement ma route à bord d'une bécane, une place. J'ai pas la science infuse mais j'ai vu où j'ai échoué. J'aurais pas dû te laisser faire quand pour l'emmener tu les as appelés. J'vais sûrement me zapper et taper des barres. Je stoppe les débats et porte ce que t'as pas. La porte ne sera pas vide car t'auras toujours ta vie. Tu subiras ce qu'une mère peut vivre. Des fois ça pousse au suicide. Ça porte une attention particulière que je ne peux pas assumer. Je ne laisse pas de signature car tu dois savoir qui c'est. Ça parle d'expérience de vie, pense à l'expérience de la vie. Et tu restes souvent poli au lit après toute une soirée d'ivre. C'est pour dire vrai, ce qui nous intéresse sont les faits divers. C'est plus ma famille d'abord mais 90 minutes d'enquête. Le jour où je perds la vie, ça sera la fin du film. J'ai pris conscience bien tard de la réelle valeur des choses. Les humains ne se considèrent absolument pas égaux. Il y a les Marseillais, les Ch'tis et les Parigots. Et ceux qui sont en costard qui chaque jour sur les pauvres serrent les taux. Y'a celles qui ont un joli prénom mais qui le salissent. Et celles qui te prennent pour un con juste pour un peu de ralice. Tu me verras pas me confesser à l'église. Je veux me faire brûler pour dans l'au-delà effacer tous mes vices. Le respect n'est qu'une simple question d'éthique. Ici on ne se sent bien que dans un coma éthylique. Ma vie n'est pas idyllique. Toujours les mêmes gimmicks qui se répètent chaque jour. On a tous un triste parcours. La violence, le vol, le deal en bas des tours. Tout ça pour un peu de monnaie. On rêve d'avoir la peine. On rêve de prendre le large, de partir faire un tour. Mais sache bien que la vie est courte, ouais, la vie est courte. Ça parle d'expérience de vie, pense à l'expérience de la vie. Et tu restes souvent poli au lit après toute une soirée d'ivre. C'est pour dire vrai, ce qui nous intéresse sont les faits divers. C'est plus ma famille d'abord, mais 90 minutes d'enquête. Tu perds de ce qu'on écrit. Le jour où je perds la vie, ça sera la fin du film. J'en ai marre de croire qu'il n'y a plus d'espoir. J'en ai marre de voir tous mes rêves plongés dans le noir. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de croire qu'il n'y a plus d'espoir. J'en ai marre de voir tous mes rêves plongés dans le noir. J'en ai marre. J'en ai marre. Minutes d'enquête. Oublie les soucis, parle pour t'adoucir. Loin de cette routine, tu vas péter une durée. Tu crois que t'as des pertes, aurais-tu peur de ce qu'on écrit? Le jour où je perds la vie, ça sera la fin du film.